Excellente soirée à toutes et tous, il est 19h30, voici tout de suite l'émission Galaxy Live avec ce soir le mix de Nick Curly, enregistré il y a quelques mois à peine, donc un mix tout frais, tout chaud, ça dépend dans le sens que vous le prenez en tout cas, et c'est jusqu'à 20h, et juste après ce sera l'émission de Nicolas, Trip in Progress. With Galaxy. Music remains on top. Galaxy Live avec justement le mix de Nick Gurley, enregistré il y a quelques temps. Et oui, idéal pour l'apéro, comme dirait Matt le Matou, avec un très bon set. D'ailleurs, la suite, ce sera dès demain soir, à partir de 19h30 jusqu'à 20h, comme tous les mardis et mercredis soirs de votre rendez-vous Galaxy Live. Sinon, dans l'immédiat, bien écoutez les 20h, très précise, place tout de suite à l'émission Trip in Progress, avec tout de suite Nicolas. Et juste après, ce sera Romuald pour l'émission Chic House. Galaxy.